carte ombre rouge. Un feuilleton d'Iris Dreyer. En direct du studio 111. Troisième épisode. Previously, dans Septembre Rouge. C'est les grandes manœuvres autour de la première liste du prix Goncourt. Dans le TGV qui conduit tout le gratin des lettres françaises au Salon du Livre de Nancy, Stanislas Norvide, le grand favori du Goncourt, joue les galants auprès d'une jeune écrivain mauricienne, Maria Mellet, qui pourrait bien être sa rivale. Sauf qu'elle n'est plus sur la liste. Décidément, rien ne semble devoir résister à Stanislas. Pour le moment, Anne-Sophie et Jean-Pierre Peucher marchent dans la rue de Sèvres. L'attaché de presse des éditions du Bac a invité un de ses auteurs de septembre à déjeuner au Récamier, le restaurant de l'édition parisienne. Vous aimez le soufflé ? Non, pas trop, non. C'est leur spécialité. Soufflé aux écrevisses, soufflé aux épinards, aux champignons, aux asperges, soufflé à tout. Ah bon ? Des asperges au mois d'août. La vie. Ça vous intéresse, la poésie ? Avancez, Jean-Pierre, faut surtout pas lui répondre. Ça vous intéresse, la poésie ? Oui, bien sûr. Non, non, non, Jean-Pierre, on n'aime pas ça, la poésie. On en a pour de plombe, si vous répondez. Ah bon ? Vous le connaissez ? Enfin, Jean-Pierre, ça fait 40 ans qu'il est là avec ses fascicules. Vous ne l'avez jamais vu ? Je n'ai pas eu de chance. Non, on s'en fiche de la poésie. 40 ans ? C'est intéressant. Non, c'est pas intéressant, c'est une ruine. Le végétal est déprimant. Proliférer sans arrêt. Dans la terre, le verre nous offre. Ils arrivent à la terrasse du Récamier. Une grande terrasse. Les oiseaux chantent. Anne-Sou, je t'ai gardé la 3, avec ce beau soleil. Tu l'as dit, Gégé. Enfin un peu de soleil. Un apéritif ? Pas pour moi, merci. On ne pourrait pas se mettre à l'intérieur ? Ah bah non, pourquoi ? Je n'apprécie pas trop le soleil. Sauf que moi, ça ne m'arrange pas d'aller m'enfermer là-dedans, si vous voulez. Il y a beaucoup de monde en terrasse. Oui, c'est pour ça que j'y vais. Pour moi, pour voir beaucoup de monde et que beaucoup de monde me voit. Je comprends. Et tant qu'on y est, ça serait pas mal non plus que des gens vous voient. De toute façon, dans 10 minutes, le soleil aura tourné, vous vous retrouverez dans l'ombre. Voilà la carte. Qu'est-ce que vous prenez, le soufflet aux épinards ? C'est une trouvaille. Il n'y a pas autre chose que des soufflets. Bien sûr, si vous tournez la page. Tournez la page, Jean-Pierre, tournez la page. C'est la suggestion du chef. Nous avons un tartare, un filet de saumon à l'oseille. Je vous conseille de prendre quelque chose de léger, Jean-Pierre. Ce que j'ai à vous dire risque de vous couper un peu l'appétit. Ah bon ? Ça se passe mal ? Un peu plus que d'habitude, oui. Je vais prendre un carpaccio de bœuf. Très bien. Et pour toi, ma chérie ? Soufflet d'écrevisse. Comme boisson ? De l'eau. Plate. Et monsieur ? Un côte de question avec le carpaccio ? De l'eau, de l'eau. C'est parti. Excusez-moi, je ramasse les copies. C'est aujourd'hui la liste ? Tu suis ça, toi ? On l'attend. Enfin, moi je l'attends. Vous vous en foutez un peu, non ? Je n'ai pas compris de quoi il s'agissait. Bon, enfin, la liste du Goncourt, Jean-Pierre. Ils doivent annoncer la première liste dans quelques minutes. Ça ne vous dérange pas que je laisse le portable allumé au cas où ? Ah non, pas le moins du monde. Vous ne vouliez pas de vin ? Vous en prenez ? Oh non, non, surtout pas. J'ai une journée de ouf ! Ah, pas de vin alors. Vous avez raison. Bon. Alors, ouais. Ça fait plaisir de vous voir. Oui, tout à fait. C'est votre combientième livre dans la maison, Jean-Pierre ? Ma foi, 13. Et en comptant les 2 essais sur Lamartine et Supervielle. Ah oh, oui, ceux-là, je les avais zappés. On n'en a pas sorti beaucoup de ces deux-là non plus, mais... 13, ça commence à faire quelque chose. Hein. Merci, c'est un chiffre qui porte bonheur. Ou au contraire malheur, ça dépend. Bon. Oh, je ne vais rien vous cacher, Jean-Pierre. On a du mal avec votre ciel de traîne. Sous un ciel de traîne. Ah, très beau titre. pas assez accrocheur, mais bon, c'est votre choix. Le carpaccio de monsieur. Merci. Allez-y, Jean-Pierre, commencez. Faut pas attendre avec le carpaccio. On est quel jour aujourd'hui ? Le 12 septembre. Oui. Ce qui fait qu'ils en livrent depuis 3 mois. Exactement. Je me suis demandé un moment si on n'avait pas fait une boulette au niveau des envois. Ça arrive, hein, mais c'est pas ça. Ils l'ont tous reçu. J'ai vérifié. Il est bon, hein. Ils le font très bien, le Carpac, ici. On peut demander du parmesan, si vous voulez. C'est très bien comme ça. On avait quand même un peu de presse sur le dernier, non ? C'était il y a quoi, 3 ans ? Exactement. Septembre 2012. Ben, c'est peut-être ça aussi. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de sortir systématiquement en septembre. Pour un livre comme ça, c'est tellement dur la rentrée de septembre. Chaque année, c'est pire. Allô ? Oui. Non. Stanislas Nordwid ne fera plus d'entretien. Parce que c'est comme ça. Voilà, oui. Après le concours, on verra. Je ne suis pas dans le secret, non, désolé. Mais je déjeune avec un auteur, là. Voilà. Très bien. Ciao. Mais c'est toute la journée comme ça. Ça n'arrête jamais. Jamais. Bon. Mais enfin, je ne me plains pas. Ça fait bien quoi, 6-7 ans qu'on n'avait pas déjeuné ensemble. Oui, c'est possible. Mais ça ne veut pas dire que je vous ai laissé tomber. Ça n'a rien à voir. Bien sûr que non. Je ne vous fais aucun reproche, Anne-Sophie. Ben, moi, je m'en fais. Je n'y arrive pas. C'est très difficile. Difficile dans quel sens ? Il y a un tel manque d'intérêt pour le livre. Pour le livre en général ? Oui, et pour le vôtre en particulier. Sous un ciel de traîne ? Oui. Plus que pour les autres ? Ah oui, ça c'est très net. Là, c'est presque impressionnant. Ça tape le soleil, là. Parce que... Qu'est-ce qu'on dit dans votre entourage ? Vous avez des retours ? Des retours ? On vous parle de votre livre ? Dans mon entourage, comme vous dites, on ne lit pas ce genre de livre. Le soufflet aux écrevisses. Ah, merci, Gégé. Oh, c'est beau, non ? Magnifique. Vous auriez dû prendre ça. Non, ce que je veux dire, c'est que là, on a atteint un point où je me pose des questions. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Mais vous n'y êtes pour rien, Anne-Sophie. Est-ce que je vous ai jamais reproché quelque chose ? Non, ça, c'est vrai, jamais. Vous êtes l'auteur le plus cool de la Terre. Bon, ça me repose des emmerdeurs auxquels j'ai affaire toute l'année. Et pourquoi j'ai pas ci ? Pourquoi j'ai pas ça ? Est-ce que vous avez appelé machin ? Est-ce que vous avez appelé truc ? Bon, je me plains pas. Il y a pire. Tenez. Bernard-Henri Lévy, chez Grasset. Il paraît qu'il campe carrément dans le bureau de son attaché de presse. La pauvre Élodie. Il est derrière tous les coups de fil qu'elle passe, il vérifie tous ses mails, un cauchemar. Et le drame, enfin, je ne sais pas si c'est un drame, mais malgré tout ça, ça marche de moins en moins. Il a beau tout avoir. 3 pages dans le Point, un entretien dans l'Obs, les bonnes feuilles dans l'Express, et j'en passe. Et dans le Monde, évidemment, il est actionnaire, ça aide. Mais il fait toutes les télés. Ruquier, Ardisson, le 20h de Chazal. Bientôt, il ira chez Lagaffe, mais ça ne prend plus. Qu'est-ce que vous voulez ? Au bout d'un moment, les gens en ont marre, alors... Au niveau des ventes, ça baisse. Comme moi. Oui, enfin... Je plaisante. C'est quoi les ventes de votre dernier ? Attaque, c'est Palinodi ? Ah ben, c'était cet estre-là, oui. On avait eu du mal aussi à cause de ça. 765 exemplaires. Bon, vous n'aimez pas le soleil, mais ça vous fait drôlement du bien. Vous avez déjà pris des couleurs, hein. Ah, oui. 765 vendus ou 765 sorties ? Je ne sais plus. Peu importe, c'est très faible, quoi. Ça risque d'être encore moins ce coup-ci. C'est une question, je n'arrive pas... C'est-à-dire que, sur vos livres précédents, Je ne dis pas que c'était facile. Il fallait aller à la pêche. Mais à force de lancer des lignes, j'arrivais quand même à le faire lire à deux ou trois personnes. Bon, ça ne débouchait pas forcément sur des articles. Il y avait eu des articles sur le dernier ? Non. Ah oui, c'est possible, oui. Mais enfin, les gens m'en avaient parlé. Ils n'aimaient pas du tout votre livre, mais... enfin, ils n'aimaient pas tout, ça. Mais on sentait que... Oh, là, oh, non, non. Oh là, c'est hors d'eau, ça. Ça va, le carpaccio? Mangez, Anne-Sophie. Prenez le temps de manger. Non. J'attends que ça refroidisse, sinon... Je me brûle la langue. C'est l'enfer. Je disais quoi? Ah oui! Que pour le dernier, j'étais arrivé à le faire lire. Pas forcément jusqu'au bout, mais bon. Là, comment vous dire ça? C'est pas qu'ils ne l'aiment pas. Il leur tombe des mains. Ah, mais ils ne prennent même plus le risque, Jean-Pierre. Ils ne veulent plus l'ouvrir. Je n'arrive pas à leur faire ouvrir votre livre, vous comprenez? Je comprends. Mais vous, Anne-Sophie, est-ce que vous l'avez ouvert? Enfin, mais moi, Jean-Pierre... depuis toujours, j'adore votre écriture. Vous le savez, d'ailleurs. Bon, allô. Oui. Non, j'ai pas de courrier. Ben, si je vous dis que j'en ai pas... Je sais que vous êtes du Figaro, vous seriez du Monde ou du Vatican, ce serait pareil, j'ai pas de courrier. Ah oui? Ben, vous savez combien j'ai envoyé d'exemplaires du Norwood à la rédaction de votre journal? 6. Vous devriez bien en trouver un qui traîne sur les bureaux de vos collègues. Ouais, je sais qu'il est bon, je sais. Mais j'ai 10 autres romans à m'occuper. Ciao, connasse. Vous voyez, ça n'arrête pas. Ils sont tous sur le Norvide, focalisé, comme s'il y avait que lui sur la Terre. C'est un beau livre. Un chef-d'œuvre? Non, pas un chef-d'œuvre. Un beau livre. Son chef-d'œuvre, c'est Le sang qui coule. Ah, pour moi, celui-là, c'est une apothéose. Le livre Monde. Quelle vie, quelle putain de vie, la façon qu'il a de raconter ça. Je l'ai pas lâché. Pardon. Un SMS, c'est peut-être la liste, je regarde juste. Non, c'est pas ça, des conneries. Qu'est-ce qu'on disait? Nous parlions du livre de Stanislas Norvid. Non. On parlait de votre livre, Jean-Pierre. Le ciel de traîne. Sous un ciel de traîne. Que j'aime. Que j'aime infiniment. Comme tout ce que vous écrivez. Si ce n'était pas le cas, je l'aurais laissé à Céline ou à la petite que vous avez croisée tout à l'heure. Très belle. Liliane. Liliane Cousin. Mais qui s'appelle en réalité Welbeck. Ah. Oui, ça reste entre nous. C'est sa cousine. Ah non, mais loin d'être sotte. Bac plus je ne sais pas combien, des masters de trucs et de machins. Quand on pense qu'une fille comme ça, qui aurait été prise tout de suite dans n'importe quelle grosse boîte de com à 10 000 euros par mois, eh ben non, elle veut travailler dans l'édition. Et pas chez Gallimard, hein, pas chez Grasset, chez nous. Parce que pour elle, les éditions du Bac, c'est Norvide, c'est Brasier, c'est Dunant, tout ce qu'elle a lu quand elle était ado. Elle a 28 ans. C'est magnifique. Sauf que ça me bouffe la moitié de mon temps. Il faut tout lui apprendre. Je le fais très volontiers, mais par moments, c'est comme si elle ne connaissait rien de la vie. Tout passe par Internet avec elle. Ça fait un peu peur. Ça donne envie de la connaître. Ah non, c'est une fille intéressante. Et vraiment jolie. À 28 ans, si on n'est pas magnifique, c'est même pas la peine. Hein. Je crois qu'elle ne va pas rester chez nous très longtemps. Elle aurait vite fait le tour, je pense. Putain. Oh, qu'est-ce que c'est bon, ce truc d'écrevisse. Le goût vous explose à la gueule. Quel régal. Hein. Je suis pas faite pour bouffer, moi. Je suis faite pour bouffer. Hein. Pas pour défendre des livres. Et vous, Jean-Pierre? Vous n'avez jamais envisagé de vous diversifier? Ah, si, justement. Je mets la dernière main à un recueil de poésie. Oh. Oh non, pardon. Je voulais dire, dans le sens d'aller vers complètement autre chose, que l'écriture. Vous ne m'aviez pas parlé à un moment d'une grande maison en Auvergne, genre gîte rural? Ah bon? Oh. Ou maison d'hôte, je sais pas comment on appelle ça, avec des chevaux. C'est pas vous ? Ah, ça m'étonnerait. Je n'ai aucun goût pour la campagne. Ah bah, c'était pas vous alors. SMS, c'est la liste, pardon. Je regarde, la voilà. Alors, voyons ça. Ouais, on y est. L'amour est mort de Stanislas Norwid. Oh là là. Excusez-moi Jean-Pierre, je passe juste un petit coup de fil à Julien pour le prévenir. Oui, Julien. Julien, vous êtes avec Stan ? C'est fait, oui, on est dessus. Bah, j'en étais sûr, mais avec ces... on sait jamais ce qui peut vous passer par la tête. Hein. Ah bon, on va l'avoir ce coup-ci. Bah, je sais, je sens. Bien sûr qu'on a encore du chemin à faire. Oui, on se reparle plus tard. Je vous embrasse. Et embrassez Stan. C'est lui le meilleur. Dites-le lui. Je vais carrément prendre un dessert. Ça vous dit, Jean-Pierre ? Une tarte, un soufflet Grand Marnier, une île flottante. Un café pour moi. Vous savez que si on n'a pas le Goncourt cette année, on est mort. Vous pouvez dire adieu à votre recueil de poésie. Gégé. Anso ? On est dessus. Bingo. Fais péter l'île flottante. Excuse-moi. Mademoiselle Paradis, votre table est prête si vous voulez bien me suivre. Oh bah, tiens, Jean-Pierre, comment ça va ? Vanessa, Lily Rose. Quel bonheur de vous voir. Salut, JP. Vous allez bien ? Bah, grâce à vous, Jean-Pierre, merveilleusement bien. C'est tellement super ce que vous avez fait dimanche. C'était normal. Surtout que c'est mon préféré. Tant mieux. Bon, on ne vous dérange pas plus. Allez, viens, Lily. À bientôt, Jean-Pierre. Oui, à bientôt. T'as pas pris une table dehors, maman ? Non, on va pas se cramer au soleil, ma puce. Vous prendrez un apéritif ? Merci de m'avoir présenté, Jean-Pierre. Pardon, je suis désolé. Non, laissez. Une autre fois. Vous la connaissez comment ? Je donne des cours de grammaire à la petite. Et dimanche, je suis monté sur le toit de la maison pour récupérer le chaton. Putain, mais c'est incroyable ! Faut s'en servir de ça ! Je vois déjà le titre. Il a sauvé le chaton de Lily Rose Depp. Il ne l'a dit à personne. Faut s'en servir, JP. Se servir de quoi ? De cette relation avec Vanessa Paradis. Pourquoi faire ? Pour me curer les ongles de pied, Jean-Pierre. Je comprends pas. La presse, Jean-Pierre. Les journaux, les magazines. Imaginez un papier dans Match. Jean-Pierre Peucher, l'écrivain qui donne des cours de grammaire à la fille de Johnny Depp et de Vanessa Paradis. Vous devenez une star mondiale. On vend 10 000 par semaine. Oh là là, mais... Qu'est-ce qu'elle pense de votre livre ? Mais rien du tout. Je parie que vous ne l'avez même pas envoyé. Non, je rêve. Ne lis pas ça. On s'en fout de ce qu'elle lit. Si votre livre est posé sur la table du salon, ça suffit. Même si elle n'en parle pas directement, on peut organiser un truc marrant, je sais pas, par exemple, avec le chaton que vous avez sauvé qui vient marcher comme ça sur le ciel de traîne. Vous êtes extraordinaire. J'essaie de trouver des pistes. Je préfère que vous ne fassiez rien de tout ça. Je veux garder les bonnes relations que j'ai avec cette famille et ils sont très gentils. Écoute, vous ne m'aidez pas, Jean-Pierre. Je suis désolé. La maison vous offre un digestif, monsieur Peucher. Vin, champagne ? Cognac ? C'est gentil, mais ça ira bien. Un autre café ? Rien, merci. Il veut rien, mais moi, je veux bien mon île flottante, si c'est pas trop demandé. Ça fait une plombe. Ça vient tout de suite, pardon. Ah, vous voyez, le soleil a tourné. Vous êtes à l'ombre. Là, ça va mieux ? En effet, oui, je suis mieux comme ça. Indécrottable, là. Vraiment, je perds mon temps. Il ne veut pas vendre de livres, il ne veut pas qu'on en parle. Bon. Vous allez cesser de vous en occuper, Anne-Sophie, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Il me fait perdre un temps dingue. J'aime beaucoup cet homme. J'ai compris. Anne-Sophie, on va essayer autre chose. Attendez une minute. Si, Denis, oui, vous pouvez demander à Liliane de venir dans mon bureau. Merci. On va voir ce que la petite Houellebecq est capable de faire. Non, mais j'en ai besoin, moi. Un essai. On verra bien. Bon, à part ça, ça se présente plutôt bien pour le Norwid. Il écrase tout. Au niveau de la presse, c'est carton plein. Il sera sur la liste du Renaudot, non? En principe, oui, oh, mais bon... Gisbert va pas passer à côté de ça. On a des pointures en face, hein. Toute l'artillerie Grasset mobilisée sur le Binet, faut faire gaffe aux Delerme aussi. En plus, il paraît qu'ils ont envie de le donner à Amélie Nothomb. Bon, ils disent ça chaque année, c'est une blague. Toujours se méfier des choses trop évidentes. Quand je vois qu'à la FNAC, ils ont installé Guillaume Musso en littérature française entre Musset et Nerval. La collection complète de Musso. Et pas un seul livre de Léris, de Cravant et de Valéry. Ah, Liliane, entrez, je vous en prie. Je voulais vous parler de Jean-Pierre Peuchère. Vous voyez qui c'est? Oui, bien sûr, mais je suis désolée, je ne l'ai pas encore lu. C'est le seul livre de la rentrée que je n'ai pas encore lu. J'aimerais bien que vous essayiez quelque chose avec son livre. Quelque chose qui le fasse un peu ressortir. Via les réseaux? Vous pensez que c'est possible? Si vous réussissez ça, on vous dresse une statue. Vous réfléchissez là-dessus et vous me soumettez un plan, disons, dans 48 heures? Ne passez pas trop de temps non plus sous ce ciel de traîne. Je vais commencer par le lire. Ben voilà une bonne idée. On n'y avait pas pensé. Ben merci, Liliane. Qu'est-ce qui vous fait rire, Anne-Sophie? Jean-Pierre Peuchère. C'est plus du bizutage. Vous l'envoyez au casse-pipe. Ce n'est pas ce que vous vouliez. Céline, faites quelque chose, on ne s'entend plus penser, là. C'est quoi ces téléphones? Il y a eu un attentat, une bombe, une manif de taxi, un débarquement martien, un nouveau livre de Trierweiler. Ben non, ils veulent tous lire les livres de Mellet, de Peuchère, de Norvide, on n'y arrive pas. Les coursiers sont en grève et on n'y arrive pas. Allô? Mais si on vous l'a envoyé, on vous l'a envoyé deux fois. Ah, on vous vole les livres sur votre paillasson. Ah, eh ben non, mais j'y crois pas, personne ne vole de livres, ne dites pas n'importe quoi. Non, monsieur, nos coursiers ne laissent jamais de livres sur les paillassons. Oh, paillasson vous-même. Comment vous ne voulez pas que je vous parle sur ce ton? Qu'est-ce qu'il a, mon ton? Oh, c'est la pleine lune ou quoi? Ils sont dans un état, on se croirait dans une salle des marchés au moment du crack. Mais il y a toujours des petits coups de chauffe. C'est bon, ça. Quand ils se mettent à demander les livres qu'on leur a déjà envoyés trois fois, c'est très bon signe. Pourquoi ils veulent lire Peuchère? Ils nous ont vus au soufflé? Qui a tweeté? Liliane, venez par là, mon petit. On va s'en griller une. J'ai arrêté de fumer, Anso. Ça me donne mal au cœur. Ben, venez quand même. Vous me regarderez. À suivre. Septembre rouge. Un feuilleton d'Iris Dreyer. Anne-Sophie. Il y a un tel manque d'intérêt pour le livre. Christiane Coendi. Jean-Pierre Peuchère. Je n'ai pas compris de quoi il s'agissait. Pascal Collin. La liste du Goncourt. Liliane Sidoni. Je vais commencer par le lire. Clémentine Verdier. Julien. On va voir ce que la petite Houellebecq est capable de faire. Olivier Cruveilly. Vanessa Paradis. C'est tellement super ce que vous avez fait dimanche. Judith Henry. Lily Rose. Salut JP. Camille Clarisse. Gégé. Bien sûr, si vous tournez la page. Moustapha Abourachid. Céline. On vous vole les livres sous votre paillasson? Ouais, mais moi j'y crois pas. Hélène Nondez. Le clochard. Ça vous intéresse la poésie? Jean-Luc de Baptiste. Le speaker. Décidément, rien ne semble devoir résister à Stanislas. Vincent Grasse. Bruitage. Élodie Fiat. Conseillère littéraire. Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage. Jean-Louis Deloncle. Pierre Henry. Assistante à la réalisation. Lise-Marie Barré. Réalisation. Cédric Ossier.